Rappelez-moi comment on dit parler. Parlare. Et maintenant, comment diriez-vous je ne lui parlerai pas? Non gli parlo. Non gli parlo, c'est je ne lui parle pas ou je ne vais pas lui parler. Ce n'est pas vraiment je ne lui parlerai pas alors. Non, mais ça peut quand même faire office de futur si c'est un futur proche. Par exemple, si on parle de ce soir ou demain, je ne lui parlerai pas ce soir. Non gli parlo stasera. Je ne lui parlerai pas demain. Non gli parlo domani. En revanche, si on veut dire par exemple je lui parlerai la semaine prochaine, on utilisera gli parlerò la settimana prossima. Et maintenant, dites je ne vous parle pas parce que je ne veux pas vous parler. Non gli parlo. Non gli parlo, c'est je ne lui parle pas. Je vous ai demandé je ne vous parle pas. Autrement dit, je ne parle pas à vous. Ah oui, non le parlo. Non le parlo, oui, parce que je ne veux pas vous parler. Perché non voglio parlargli? Non, là encore, parlargli, c'est lui parler. Parlarle? Oui, parlarle, en faisant bien attention à insister sur le A et non pas sur le E. Non le parlo perché non voglio parlarle. Et maintenant, comment diriez-vous? Il me parlera. Mi parlerai. Parlera. Bien, répétez s'il vous plaît. Mi parlera. Mi parlera. Et il ne me parlera pas? Non mi parlera. Voilà, non mi parlera. Et il ne veut pas me parler? Non mi vuole. Non. Non vuole parlarmi. Non vuole parlarmi, oui, mais non mi vuole parlare est possible aussi, comme vous aviez dit au début. Et comment dit-on? Pouvez-vous me dire, ou mot à mot, savez-vous me dire où il est, s'il vous plaît? Je vous rappelle que pour demander un renseignement, en italien, on emploie souvent le verbe savoir, là où en français on dit pouvoir. Ah, autre chose, s'il vous plaît, se dit per favore, en deux mots. Per, P-E-R, et favore, F-A-V-O-R-E. Le mot favore vous rappellera sans doute faveur en français. C'est donc faites-moi la faveur de me dire, de me montrer, etc. Alors, reprenons. Pouvez-vous, ou mot à mot, savez-vous me dire ça dire dirmi? Bien, ça dirmi. Où il est, s'il vous plaît? Dove? Dove per favore? Très bien. Ça dirmi dove per favore? Maintenant, demandez pourquoi ne voulez-vous pas me parler? Perché non mi vuole parlare? Perché non mi vuole parlare? Oui. Ou bien perché non vuole parlarmi? Et maintenant encore une fois, comment dites-vous il ne me parlera pas? Non mi parlera. Non mi parlera. Et je ne vous parlerai pas? Non lei parlerò. Répétez s'il vous plaît. Non lei parlerò. Lei c'est le vous qui suit con ou per. ce qu'on veut ici, c'est un « vous » qui signifie en fait « à vous ». Donc, littéralement, je ne dirai pas « à vous ». Non le parlerò. Voilà, c'est ça. Non le parlerò. Dites-moi maintenant, je vous parlerai plus tard. Le parlerò più tardi. Bien, le parlerò più tardi. Et je ne vais pas vous parler maintenant. Non le parlo ora. C'est ça, voilà. Non le parlo ora. Je ne vous parle pas maintenant. Ou alors, est-ce qu'on peut aussi dire non le parlerò ora? Pas tout à fait. On pourrait dire non le parlerò domani. C'est vrai que pour le futur proche, vous avez le choix, soit le présent, soit ro et ra. Mais avec ora, maintenant, il vaut mieux utiliser le présent. Non le parlo ora. Parce qu'il s'agit d'un futur tellement proche que c'est presque un présent.